Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. La notion d'épreuve, c'est notre sujet cette semaine. L'épreuve de la maladie, l'épreuve en politique, l'épreuve dans l'intrigue romanesque, il y a beaucoup à explorer. Aujourd'hui, l'épreuve, un concept désormais très présent dans les sciences sociales. Les sciences sociales ne manquent pas de concepts pour analyser situations et trajectoires individuelles. Il y a eu les structures, les formes, il y a eu l'idée de contrainte ou la notion d'interaction. Eh bien, depuis quelques années, l'épreuve ou l'épreuve de vie s'utilise de plus en plus, qualifiée de multiples manières, épreuve de force, épreuve de légitimité, épreuve de l'individuation, épreuve de l'incertitude, épreuve touchant au lien social, engageant notamment l'expérience du mépris ou de l'injustice. Cela dit, en 1959 déjà, le sociologue américain Charles Wright Mills définissait l'imagination sociologique, expression qui était le titre même de son livre, comme ce qui parvient à relier les épreuves personnelles aux enjeux collectifs. Wright Mills rappelait qu'on n'est jamais tout seul au chômage et qu'à un certain niveau de chômeur, on a affaire à un problème structurel dans une société. Qu'on songe au mariage et au divorce, poursuivait-il, là aussi ce sont des tourments collectifs qui sont en jeu, tout comme dans nos épreuves liées à l'habitat, au travail, au transport. Pourquoi cependant cette notion d'épreuve est-elle devenue si présente dans les travaux des dernières décennies et comment est-elle élaborée désormais ? Révèle-t-elle une évolution de la société ou bien de la sociologie ou bien des deux ? Bonjour Luc Boltanski. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur d'une œuvre substantielle comportant beaucoup d'inventions théoriques. À partir des années 1990, vous avez élaboré peu à peu un concept d'épreuve. Vous nous direz ce qu'il vous permet d'approcher. Et bonjour Pierre Rosanvallon. Bonjour. Historien, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et avez été jusqu'en 2018 professeur au Collège de France. Vous aussi, vous avez énormément publié et votre ouvrage de 2021 au Seuil utilise le concept d'épreuve. Il s'intitule « Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français ». Je fais mon boulot. Moi aussi, je fais rien. Je me suis toujours exécuté comme mais vous n'avez pas fait votre boulot. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de ne plus me parler comme un chien. Mais je ne vous parle pas comme un chien. Je vous le demande. Madame, quand je... Je vous le demande. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Non, je ne rigole pas. Je parle en français. Moi aussi, je parle en français. Et je n'ai pas parlé, vous n'avez pas parlé comme un chien. Si, monsieur, vous m'avez parlé comme un chien. Mais c'est pas possible, ça. Vous... Et ce n'est pas la première fois. Votre boulot est d'être près du mal. Voilà, c'est tout. Et non, vous n'étiez pas près du mal. Il n'y a personne qui pourrait me reprocher. Mais vous n'étiez pas près du malade. Pourquoi je vous l'ai demandé ? Merci, monsieur. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre une scène assez dure, tirée d'un documentaire réalisé par Jérôme Lemaire, Dans le ventre de l'hôpital. C'est un documentaire de 2016. Que se passe-t-il? Eh bien, certes, on n'a pas entendu l'échange qui produit cette réaction, mais une infirmière ou une aide-soignante se plaint de la manière dont un médecin lui parle. Il y a clairement inégalité de statut, mais on sent que ce n'est pas cela le fond du problème. Le problème, ce sont les mots, c'est le ton, c'est de cela que se plaint l'infirmière et les retentissements sont forts puisque on l'entend en pleurs. Pierre Rosanvallon, j'aimerais savoir si les formes dans les rapports sociaux, je veux dire les mots, le ton, comptent de plus en plus ces dernières décennies par rapport à la période antérieure. Il compte de toute façon énormément, parce que dans ce que nous venons d'écouter, c'est la dignité d'une personne qui est agressée. C'est une personne qui se trouve méprisée. C'est une personne qui se trouve rabaissée. Et je dirais, dans l'histoire sociale, il y a toute une longue histoire de la dignité, une histoire du mépris. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on considère que ça n'est pas simplement des histoires individuelles, des problèmes ponctuels, mais qu'il y a une façon de comprendre la société dans laquelle on voit qu'il y a, comme on le dit aujourd'hui, un phénomène structurel dans ces atteintes à la dignité, un phénomène structurel dans ces expressions du mépris. Cela veut dire qu'une personne ne se définit pas simplement par son niveau économique, par ses conditions de vie, mais qu'elle se définit aussi en tant qu'individu qui a droit à son intégrité, qui a droit à être reconnu. Et la reconnaissance est aussi importante que le bulletin de salaire. Alors ça ne veut pas dire que le bulletin de paie ne compte pour rien, mais cela veut dire qu'aujourd'hui, la vie sociale se déroule vraiment sur les deux tableaux. Hein, nous avons vécu de longs épisodes là de conflits sociaux au travers les questions de la retraite, mais même dans cet épisode des retraites, on a vu que bien sûr la question elle avait une dimension économique, l'âge de la retraite, ses montants, mais qu'en même temps il y avait un problème de reconnaissance de ce que vivaient vraiment les gens. Il y avait le sentiment que le gouvernement n'était pas simplement discutable par le montant des retraites ou la durée de cotisation qu'il appelait de ses vœux, mais par le fait qu'il ne prenait pas en compte la vérité des situations précisément vécues. Et cela, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est une caractéristique du monde social et c'est une caractéristique aussi d'un nouvel âge des revendications et des attentes sociales. Luc Boltanski, pensez-vous, vous aussi, que le ressenti des acteurs lié à la manière dont on se parle dans le monde du travail, dans d'autres mondes aussi, est quelque chose qui est de plus en plus important pour les individus avant même de poser la question du sociologue? J'ai toujours des difficultés avec le... Quand on me demande le plus en plus ou le moins en moins, oui. et de prendre une posture historique ou causaliste, parce que je pense que la question de la dignité, si vous prenez Rousseau par exemple, vous prenez les confessions et vous comparez avec le contrat social, et on peut très bien considérer que le contrat social est une réponse aux souffrances de dignité qu'a ressenti le jeune Rousseau et qu'il décrit dans les confessions. Donc il me semble que on a là un phénomène qui se modifie certainement dans l'histoire, mais qui est inhérent à la condition sociale. Et je dirais, si vous voulez, que dans toute situation sociale, vous devez lier dans la relation aux autres deux dimensions. Une dimension de reconnaissance de sa commune humanité, en tout cas dans un monde qui n'est pas un monde de caste ou un monde strictement hiérarchique, et puis une mise en ordre qui va permettre à la situation de se tenir et qui peut prendre la forme d'une hiérarchie. Il y a le maître d'école et il y a les élèves. Ils sont, en tant qu'humains, ils sont absolument égaux, mais dans la situation, certains doivent se taire quand l'autre parle. Il y a le médecin qui a une position d'autorité dans l'urgence, souvent, particulièrement si c'est un chirurgien, par rapport à une infirmière. Mais donc, si vous voulez, je pense que ce qui se joue, c'est effectivement des épreuves, mais si vous me permettez d'ajouter un petit mot, je pense qu'il est très important de distinguer, je vais reprendre des notions sartriennes qui sont pas du tout dans mon travail, mais des épreuves en soi, c'est-à-dire instituées, par exemple, un diplôme d'infirmière et ou un diplôme de médecin et des épreuves pour soi que l'on ressent mais qui ne sont pas instituées. Parce que dans le cas des épreuves en soi, vous pouvez avoir une objectivation de la différence hiérarchique et de la question de savoir si elle a été respectée ou non ou de façon abusive, tandis que dans l'épreuve en soi, celui qui subit l'épreuve ne peut pas obliger celui qui lui fait subir une épreuve à se justifier. Alors, pour approfondir ce problème, j'ai bien entendu, Luc Boltanski, que vous n'aimez pas beaucoup les « de plus en plus » ou « de moins en moins ». On se demande par rapport à quelle époque on parle. Je vais me permettre de vous donner un exemple précis. On a parfois l'impression que la domination a toujours existé dans le domaine du travail, elle était même théorisée, on parlait de lutte, du monde ouvrier, mais c'est comme si dans certains mondes encore vivants dans les années 1970-1980, cela n'empêchait pas en termes de ressenti quotidien, dans le monde ouvrier par exemple, une certaine fierté. Alors peut-être était-ce dû aussi à des conditions de travail et de rémunération qui n'étaient pas toujours atroce. Je voudrais vous faire entendre un reportage de France 2, c'était au journal de 20h en 1997, à propos de la fermeture d'une mine de fer en Lorraine. La dernière remontée des derniers mineurs de fer français. Derrière les sourires, les gueules jaunes d'Odin Letiche dissimulaient mal une certaine amertume. La dernière remontée, oui, c'est fini. Voilà, on a tourné la page. Et alors, ben ça fait un petit pincement quand même, quoi. C'est fini. Bon, je peux pas en dire plus. Même si la poussière jaune, si caractéristique du minerai de fer lorrain, ne leur collera plus à la peau, ils ne sont pas prêts d'oublier la mine. Car après 20 ou 30 ans passés à creuser les entrailles de la terre à 200 mètres de fond dans l'obscurité, le vacarme des engins, la poussière et l'humidité, ils quittent tous ce milieu inhospitalier avec regret, et ce depuis toujours. Un métier formidable pour Léon Munch, retraité depuis 19 ans après 32 ans de mine. Il y a toujours quelque chose qui restera. Vous savez, le métier de mineur, puis nous étions comme une grosse famille, puis nous nous respections tous. On avait des journées qui étaient toujours très agréables à vivre. Nous étions contents d'aller, on partait travailler en sifflant. On en était contents d'aller travailler. À cette époque, un mineur gagnait trois fois plus qu'un instituteur, se souvient Léon Misiak. Ma femme est pesante, elle peut vous dire, le jour que j'ai touché ma première paye à la mine, c'était le double de Michville. Elle en pleurait, c'est pas vrai? Si. C'était comme ça. Et c'était comme ça pendant plus d'un siècle. En plein Eldorado, dans les années 50, Odin Letiche comptait 3000 gueules jaunes sur 30 000 pour l'ensemble de la Lorraine. La région a produit 3 milliards de tonnes de minerais de fer, aujourd'hui en voie d'épuisement. Les 140 derniers mineurs de fer d'Odin Letiche viennent de mettre un point final à un chapitre de notre histoire industrielle. Vous venez donc d'entendre un reportage de France 2 de la fin des années 1990 à propos d'une mine de fer qui fermait à Odin Letiche en Moselle. Un mineur dit qu'il touchait trois fois plus qu'un instituteur. Beaucoup disent, on l'a entendu, leur fierté, malgré d'évidentes épreuves. C'est très dur de descendre dans la mine, c'est très dur de vieillir avec ce passé de mineur. Ce sont des épreuves physiques. Et pourtant, le ressenti n'est pas uniquement celui de l'épreuve. Est-ce différent aujourd'hui pour de très nombreux travailleurs, Pierre Rosanvallon? Les mineurs auxquels vous faites référence, c'est une page de l'histoire sociale et industrielle française. Regardez, après 1945, à ce moment-là, il y a un effort pour la production. Et le mineur, l'ouvrier, est celui qui est l'agent de la reconstruction. Donc, il est célébré dans les discours publics, il est reconnu dans son salaire, et en même temps, il y a une fierté collective, parce que il y a un taux de syndicalisation qui est très important. Et donc, le mineur, comme l'ouvrier, de façon plus générale, a le sentiment qu'il est un acteur historique important, qu'il joue un rôle décisif. et donc à ce moment-là qu'il y a une reconnaissance collective. Il est évident que dans la société d'aujourd'hui, la syndicalisation n'est plus la même, la définition de l'usine n'est plus la même, et donc ce temps de la fierté ouvrière, il a changé aussi parce que les conditions de travail ont changé, parce que les conditions de syndicalisation ont changé, mais que l'attente de reconnaissance, elle reste. Elle est insatisfaite peut-être, mais elle reste extrêmement importante. On voit au fond que, bien sûr, chacun attend d'avoir un meilleur salaire et une meilleure reconnaissance monétaire de son travail. Mais la reconnaissance personnelle, elle est quelque chose de décisif, de voir qu'on est quelqu'un d'important, que l'on compte dans la société, que l'on joue un rôle qui est un rôle pour la collectivité et pas simplement pour ça. Je dirais que c'est tout simplement le sentiment d'appartenir à une société d'égaux. Et aujourd'hui, il y a le sentiment qu'il y a deux types de personnes. Il y a celles qui jouent un rôle important et celles qui sont des personnalités subalternes. Dans la célébration classique de l'ouvrier, il y avait bien le sentiment que l'ouvrier n'était pas quelqu'un de subalterne. Il était quelqu'un de central et d'important dans la société. Aujourd'hui, il y a cette tendance permanente à considérer qu'il y a de plus en plus d'emplois subalternes. Et c'est cela qui pose problème, semble-t-il. Qu'en pensez-vous, Luc Boltanski ? Mais écoutez, je voudrais faire deux remarques à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Pierre Rosanvallon. Mais je voudrais faire deux remarques. Une remarque, c'est que à l'époque de la reconnaissance du monde ouvrier comme digne d'être célébré, d'abord que cette époque avait été le résultat de très longues luttes et que ça n'allait pas du tout de soi. Et notamment à la fin des luttes de la résistance avec des syndicats et des partis qui se présentaient comme des partis ouvriers et qui avaient joué un rôle très important au niveau national, le Parti communiste notamment. Et d'autre part, que cette reconnaissance n'empêchait pas le maintien d'épreuves qui, elles, n'étaient pas reconnues et qui n'étaient même pas dissibles. J'ai interviewé, ça me remet en mémoire un entretien que j'avais eu il y a 40 ans à peu près, avec un syndicaliste de la banque, qui m'expliquait qu'il y avait dans la banque, qui est composée de toutes petites entreprises, qui sont les agences rattachées à des grands groupes, que dans la banque, il y avait très souvent des problèmes de ce que j'ai utilisé le terme américain de harassment sexuel auprès de dont souffraient des femmes. Et il m'expliquait, on ne pouvait pas à un niveau syndical rendre public cela. Il fallait trouver un autre argument pour déplacer ces personnes qui étaient si malheureuses dans l'agence dans laquelle elles travaillaient. Eh bien, voilà un type d'épreuve qui est une épreuve subi, qui ne pouvait même pas être critiqué publiquement et qui aujourd'hui peut l'être. Donc vous avez effectivement un déplacement des épreuves et au niveau du travail, par rapport à ce que vous décrivez sur la classe ouvrière, un grand changement à mon avis a été le moment du néo-management des années 80-90 par rapport au management qui s'était mis en place dans les années 50-60 et qui a consisté à modifier très profondément les épreuves au travail et notamment à remplacer la chaîne par un travail semi-automatisé demandant un niveau d'initiative beaucoup plus important aux ouvriers. Et toute cette période a été liée à un changement profond de la classe ouvrière ou à la mise à la porte ou à la retraite anticipée d'un grand nombre de travailleurs, que certains managers en privé appelaient les inutilisables. Et donc effectivement des gens qui jusque-là étaient des ouvriers qui pouvaient avoir une fierté dans leur travail se sont trouvés devenus des gens inutiles au monde. Alors, je rappelle, parce qu'évidemment, ce que vous dites là s'appuie sur des travaux importants et très approfondis, que vous êtes l'auteur, Luc Boltanski, avec Ève Chapello, en 1999, d'un gros livre qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». Pierre-Rosan Vallon, vous, la notion d'épreuve de vie, vous l'utilisez de manière vraiment comme le grand paradigme dans votre dernier ouvrage de 2021 à propos des souffrances françaises. Mais dans la mesure où on est sur des ressentis avec moins d'éléments, je dirais, immédiatement objectifs, les luttes pour un meilleur salaire, les luttes pour des conditions matérielles de travail meilleures, qu'on est vraiment sur un sentiment de mépris, voire d'humiliation parfois, qui tient beaucoup ou autant aux formes qu'au fond, enfin, si j'ai bien compris. Comment le sociologue peut-il objectiver tout cela? Ne sommes-nous pas dans une société des blessures subjectives qui se disent, peut-être est-ce très bien, parce que on les a un peu étouffées, mais en même temps, s'il y a cette décharge des blessures subjectives, comment on met de l'ordre dans tout ça quand on est un historien ou un sociologue? Il y a deux choses que l'on peut répondre. La première chose, même s'il ne faut pas, comme le disait Luc tout à l'heure, parler simplement de plus en plus ou de moins en moins, les historiens, aujourd'hui, reprennent conscience du fait que ces questions ont joué un rôle central. Par exemple, les historiens de la Révolution française montrent que le sentiment de dignité a été aussi important que le sentiment d'inégalité et on pourrait dire d'abîmes sociaux qu'il y avait entre tout un ensemble de personnes appartenant au tiers-état et la noblesse. Mais c'était surtout le fait qu'ils n'étaient pas d'une même humanité. Donc, d'un certain point de vue, toutes ces questions de la dignité, ces questions du respect, ces questions des blessures personnelles, elles ont toujours existé, mais les historiens les ont pendant longtemps relativement négligées. Or, nous a éclaté à la figure aujourd'hui, au moment des révolutions arabes, il y a une quinzaine d'années, le fait que tous les banderoles avaient écrit « contre l'humiliation », pour la dignité, pour le respect de ce que nous sommes, en même temps qu'il y avait des émeutes de la faim, parce qu'il y a eu une dimension d'émeute de la faim dans les révolutions arabes, mais à côté de ces émeutes de la faim, il y a eu ces émeutes de la dignité. Et je crois que aujourd'hui, donc, nous avons été amenés à réévaluer ce qu'elles étaient dans l'histoire et à recomprendre aussi ce qu'elles sont aujourd'hui. Et elles ont une particularité aujourd'hui. Elles ont une particularité, c'est que chacun d'entre nous attend d'être reconnu dans sa singularité. Il n'est pas simplement, on parlait aujourd'hui ou tout à l'heure, des ouvriers de la métallurgie. Mais quand on est ouvrier, on est membre du corps ouvrier. Et on est important parce qu'on est un membre de ce corps ouvrier. On est important parce qu'on est un membre du collectif. Aujourd'hui, il y a une autre attente. Il y a une autre attente d'être important aussi dans sa singularité. C'est vraiment neuf, ça. C'est relativement neuf parce qu'on voit qu'autrefois il y avait des modes d'expression de la singularité, par exemple dans la capacité du bricolage. Quand on voyait la vie de l'ouvrier chez lui, c'est qu'alors qu'il était condamné d'une certaine façon à des gestes répétitifs, dans le bricolage à la maison, il montrait tout un ensemble de capacités personnelles, spécifiques qu'il avait aujourd'hui. Mais cette attente de singularité, elle est plus forte. Et dans l'attente de singularité, eh bien, justement, ces éléments que vous appelez subjectifs, ils jouent un rôle. Mais ils ne sont pas simplement subjectifs, parce qu'ils ont une dimension directement sociale. Le mépris, ça n'est pas simplement, on l'écoutait tout à l'heure, dans ce dialogue que l'on devinait, en tout cas, entre le médecin et l'infirmière à l'hôpital. Mais ce sentiment du mépris, il est aujourd'hui considéré comme aussi insupportable, et même parfois plus insupportable que la différence de rémunération. Et il y a un problème majeur. C'est qu'aujourd'hui, les différences de rémunération, les questions objectives, économiques, elles ont leur place dans le débat public. Elles ont leur place dans le débat public, elles ont leurs représentants, elles ont leurs syndicats, elles ont le langage des partis. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces épreuves, justement, plus personnalisées, elles n'ont pas d'avocat. Elles n'ont pas d'expression, sauf peut-être, et c'est pour cela que c'est important, dans la littérature, parfois dans la poésie, parfois dans la chanson. Mais je pense qu'il est important aussi qu'elles acquièrent une importance proprement politique. Luc Boltanski, qu'est-ce que vous répondez à ce problème d'objectivation de tous ces ressentis subjectifs, douloureux? Comment le sociologue fait pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, pour le penser? Est-ce que précisément la notion d'épreuve que vous avez forgée vraiment au cours des années 1990 a été une réponse? Ça objective un certain nombre de choses, il y a une typologie des épreuves vécues dans tout un tas de situations sociales. Écoutez, je vais pas refaire toute l'histoire de ce problème parce que ça nous prendrait toute la semaine. On va poser quelques questions. Si vous voulez, cette notion d'épreuve est liée à une sociologie que moi et quelques autres, notamment Laurent Thévenot, Bruno Latour, etc., vont essayer de développer il y a maintenant fort longtemps, dans les années 80-90, qui visait à sortir d'un monde dans lequel les personnes étaient considérées comme entièrement déterminées ou comme entièrement omnubilées par quelque chose qui les dépassait, par leur culture. Les Américains parlent de cultural addicted, de drogués de leur culture, et qu'ils étaient capables de réflexion, de réflexivité, et capables de... qu'ils prenaient au sérieux la morale, la critique et la justification. Et donc nous nous sommes attachés à développer une sociologie qui n'était pas simplement critique de la société en tant que sociologie, mais une sociologie qui prenait pour objet les capacités critiques qui étaient celles de tout un chacun dans sa vie quotidienne. Et nous sommes donc partis surtout de l'analyse de désaccords, de disputes qui sont si fréquentes comme celles que vous avez placées au début de cette émission. Et en plus, dans une institution, et je crois que la question des institutions, des disputes à l'intérieur des institutions, est une chose assez importante dans votre analyse. Mais la question des institutions est très importante parce que les institutions fournissent un cadre moral, un cadre de règles et un cadre de justification qui vont permettre d'associer la commune humanité et un certain ordre dans certaines situations et qui vont permettre de développer des arguments critiques acceptables et des arguments de justification acceptables. Mais simplement, ces institutions changent avec le temps, et effectivement, notamment avec le contexte économique. Et donc, si vous voulez, par rapport à ce qu'a dit Pierre-Rosan Vallon il y a quelques minutes, il y a effectivement eu un changement très important dans les années 80, et que celui que j'ai décrit du management, mais il y a eu un changement encore plus important, si je puis dire, depuis, que nous avons essayé d'analyser à plusieurs, notamment avec Arnaud Esquéré, en France, qui a été la désindustrialisation et un changement profond dans la confection de la valeur, dans l'économie, oui, qui a été le passage à une économie centrée, il y a qu'à lire les journaux, lisez Le Monde ou n'importe quel journal, vous le verrez, sur la mode, le luxe. Où est-ce que la France est première dans le monde? Dans la mode, le luxe, les arts plastiques, la culture, le tourisme, qui est absolument central, les régions touristiques. Et on parlait de la Lorraine qui était, il y a 50 ans ou 100 ans, une des régions les plus riches de France et maintenant une des plus pauvres, et le Gard, d'où tous les paysans partaient dès qu'il y a eu le train il y a 100 ans, est maintenant une région beaucoup plus riche que la Lorraine, mais avec tout à fait un autre type d'épreuve, où vous n'avez pas d'ouvriers, vous avez des gens qui font du travail à la personne, et vous avez un renouveau de la domesticité, qui était la première tâche au XIXe siècle, et qui tente à redevenir dans notre monde un rôle central de travail pour les classes populaires. Et ce qui entraîne, évidemment, la fin des mouvements qui avaient été mis en place et des moyens qui avaient été mis en place pour régler les épreuves et pour empêcher la dignité humaine d'être trop directement attaquée, et qui se retrouvent à nu, en quelque sorte, dans des rapports humains dont personne ne sait bien ce qu'ils sont. Est-ce que c'est des rapports familiaux? Est-ce que c'est des rapports de travail? Etc. Alors, je dis à nous, aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre, que nous travaillons cette semaine la notion d'épreuve. Nous vous proposons une série en 4 épisodes autour de cette notion. Et ce matin, nous nous penchons sur le fait que l'épreuve, la notion d'épreuve est devenue, peut-être étonnamment, c'est mon travail de m'étonner, une notion très importante en sciences sociales. Et donc j'ai l'honneur, parce que c'en est un, d'être en compagnie de Luc Boltanski, qui a largement contribué à forger cet outil théorique de l'épreuve dans à partir des années 1990, et de Pierre Rosanvallon, dont le dernier ouvrage utilise explicitement comme paradigme dominant la notion d'épreuve, d'épreuve de vie, pour parler des souffrances françaises. Je voudrais qu'on reste sur votre démarche, Luc Boltanski, un instant. Vous semblez dire que la notion d'épreuve souvent, mais se donne à travers des disputes. C'est-à-dire que, alors peut-être n'est-ce pas le tout de l'épreuve, mais il y a des épreuves, par exemple au travail ou dans des institutions, où justement entrent en conflit des visions d'un problème ou d'un certain nombre de valeurs qui ne seraient pas respectées par autrui. Il y a donc des engueulades, pourrait-on dire, qui sont extrêmement intéressantes pour le sociologue, pour voir justement comment l'épreuve se déploie dans plusieurs consciences individuelles. Nous avons cherché ici, avec philosophie, des exemples de cela. Ce n'est pas très facile. Et par exemple, dans une fiction, La loi du marché, film de Stéphane Brisset de 2014, le vigile, puisque c'est ce qu'il est devenu, le personnage principal, observe dans un supermarché un moment très dur. Je ne suis pas sûre que ce soit une dispute, mais pour tout vous dire, je ne sais pas du tout comment il faut analyser cette scène. La caissière, en effet, est prise en flagrant délit de vol, faut-il dire. En tout cas, je vous propose d'écouter. Dans cette minute, vous avez ramassé les tickets de réduction. Bon, je les ai jetés, comme d'habitude. Non, dans cette minute, vous ne les avez pas jetés. Vous les avez ramassés. Non, je les ai jetés dans ma panière, dans mon panier, sous la caisse. Thierry, vous pouvez demander à Samuel de vérifier ce qu'il y a dans les poubelles de caisse de Madame Anselmi. Thierry, pour Samuel, est-ce que tu peux aller voir dans la poubelle de caisse de François s'il y a des coupons de réduction ? Ok, reçu. Samuel pour Thierry. Oui ? Ben, j'ai rien vu dans la poubelle. Merci. Alors, ils sont où ces coupons ? Je les ai avec moi. J'avoue. Ils sont là. Je vous assure, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est pas la première fois, Madame Anselmi, vous avez été filmée. Thierry, vous confirmez ? Oui. C'est pas la première fois, Madame Anselmi. Comment ça se fait ? Vous savez que c'est interdit ? Oui, je sais. Je sais parfaitement que c'est interdit. Alors ? Vous me connaissez depuis tout ce temps-là. Je suis sérieuse dans mon travail. C'est de la démarque. Je sais. C'est du vol. Donc c'est pas le magasin que vous volez. C'est la prime de Thierry. C'est la prime de Jean-Eddy. C'est la prime de tous les collègues. Vous êtes consciente de ça ? Oui. Oui. Alors ? Trouver un arrangement. Là, franchement, je vois pas bien lequel. Hein. Quel arrangement ? Qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui hein ? Vous donnez ma prime ? Vous me supprimez ma prime ? Et vos collègues ? Qu'est-ce qu'ils vont dire, vos collègues ? Mais ils vont dire qu'on peut ramasser les coupons de réduction et puis retrouver son poste tranquille. Je vous ai expliqué. Vous connaissez mon sérieux. On peut s'arranger. Le problème maintenant qu'on a entre nous, Madame Anselmi, c'est la confiance. Il n'y a plus de confiance. Moi, je ne peux pas travailler avec des gens avec qui je ne suis pas en confiance. Vous comprenez ça ? Mais vous l'avez, ma confiance. Ouais, mais moi, j'ai pas. Ouais, mais moi, vous n'avez pas la mienne. Vous n'avez pas la mienne. Vous l'aviez. Mais c'est fini. Il s'agit d'une scène de fiction dans le film La loi du marché de Stéphane Brisset de 2014, mais cela fait écho à un fait divers. Il y avait eu une histoire de caissière ayant récupéré des coupons de réduction de clients et les ayant utilisés sans doute pour elle-même. J'ai l'impression qu'il y a une épreuve évidente là pour la caissière, mais ça n'a rien à voir avec une dispute. C'est peut-être même un renoncement à discuter. Et la blessure est évidemment très grande et on peut le comprendre. En même temps, c'est problématique ce qu'elle a fait. J'ai besoin d'un sociologue là. Je ne sais pas comment analyser cette situation qui me semble être quand même une épreuve. Luc Boltanski. Vous avez besoin d'un être humain. Les êtres humains savent tous que il faut savoir fermer les yeux dans certaines situations, et qu'il faut savoir faire des arrangements. C'est le terme qui est utilisé dans l'extrait que vous nous avez passé. Et si vous voulez, la question... Là on est dans un cas assez simple de règlement. Un règlement a été enfreint. Mais très souvent, les règlements sont utilisés, on va dire, dans des épreuves instituées, pour introduire plus de justice, c'est-à-dire pour que ceux qui méritent le plus, dont la valeur est supérieure, reçoivent plus que ceux qui méritent le moins. Mais si vous avez trop d'épreuves, si les règlements sont trop raides, la vie devient aussi infernale. La vie en commun a besoin aussi de laisser aller, a besoin aussi que l'on ferme les yeux, et a besoin aussi que l'on fasse des compromis. La notion de compromis, en retirant le sens négatif de compromission, la notion de compromis est extrêmement importante dans notre travail, parce que vous avez toujours plusieurs façons d'évaluer les personnes, plusieurs modes de hiérarchisation, d'évaluation, et qu'il faut faire un compromis entre ces différents modes. Et donc là, ce qu'elle lui demande, elle lui demande d'oublier un petit peu le règlement, d'être humain, de faire un arrangement et de cesser d'être dans un rapport de force, dans une épreuve de force, pour rentrer dans une épreuve de qui compromis. Va permettre à la vie de continuer. Avec la prise en compte du temps long, elle dit... Comment ? Avec la prise en compte du temps long, elle dit la confiance, vous me connaissez depuis longtemps, etc. Éviter c'est, que ce lien soit brisé en une fois, c'est ça ? Je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que c'était un peu long, mais dans notre travail avec Thévenot, nous avons considéré que les personnes pouvaient faire appel à différents principes de hiérarchisation. Un principe que nous avons appelé domestique, c'était le lien personnel, celui de la famille, des amis, etc., de la confiance ordinaire. Et puis un principe qu'on a appelé industriel, c'est celui des règles de fonctionnement d'une entreprise. Et bien là, elle lui demande tout à fait raisonnablement, à juste titre, de ne pas tout mettre sur le côté des règlements officiels, mais de tenir compte aussi de la confiance personnelle qui peut s'établir entre eux. Pierre Rosanvallon. Je pense que vous avez envie de réagir. Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas envie de réagir à tout cela. Je partage tout à fait l'analyse de Luc. On peut la prolonger ou lui donner aussi un autre langage, c'est-à-dire que la société n'est pas simplement organisée à partir des mœurs et des règlements. Elle est aussi organisée à partir de tout ce que j'appelle ces institutions invisibles, qui sont des façons d'organiser la vie sociale dans les rapports immédiats et directs entre les personnes. La confiance est une institution invisible. Et s'il n'y a pas de confiance, eh bien beaucoup d'organisations ne fonctionneraient absolument pas. De la même façon, en politique, la politique, la démocratie ne fonctionne pas si il n'y a pas la légitimité. La légitimité, c'est le sentiment que ceux qui dirigent ont le souci du bien collectif. Et ça n'est pas simplement l'élection qui donne la légitimité. Donc, à côté de la confiance, il y a besoin de légitimité pour qu'une société fonctionne. Une société a aussi besoin d'autorité, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un pouvoir qui décide, mais c'est la capacité que ce que représente une personne soit lié à quelque chose de collectif. L'autorité, c'est la capacité qu'il y ait de la réfraction du collectif dans des individus. Donc de la sanction éventuellement. Il y a une faute qui entache quand même la confiance. Sanction, mais la sanction, elle est l'ordre justement de ce qui est de la règle. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que la société ne fonctionne pas simplement avec, comme dit Montesquieu, des lois et des mœurs, mais qu'elle fonctionne aussi avec toutes ces formes d'institutions invisibles. Et que cela, c'est une chose décisive. Alors maintenant, Pierre Rosanvallon, j'aimerais qu'on revienne à votre travail dans votre livre de 2021 sur les épreuves de vie et à ces trois catégories que vous distinguez. Parce que je trouve ça à la fois très stimulant et j'ai du mal à les distinguer justement aussi simplement. Vous évoquez des épreuves vécues aujourd'hui par les Français au quotidien qui sont des épreuves de l'individualité et de l'intégrité personnelle, dites-vous. Vous distinguez aussi des épreuves du lien social et c'est dans cette catégorie que vous mettez, si j'ai bien compris, les situations avec des sentiments forts d'injustice et de discrimination. Enfin, vous distinguez les épreuves de l'incertitude dans une société où la notion de risque n'est plus bien circonscrite, Covid, mais aussi insécurité générale, on va peut-être y revenir. Bon, vous n'avez pas l'impression que tout cela communique terriblement ? Oui, parce que de toute façon, ce sont des atteintes, d'une manière ou d'une autre, ce sont des atteintes à ce qui constitue l'identité d'un individu. L'identité d'un individu, c'est sa capacité de se projeter dans l'avenir. L'identité d'un individu, c'est d'exister dans des relations avec autrui où il se sent reconnu. Donc, bien sûr, il y a ces traits communs. Mais en même temps, il faut voir que dans chacun de ces trois cas de figure, il y a une manière spécifique de vivre une épreuve, une manière spécifique qui tient aussi au passé, à l'histoire passée des façons de faire face à ces épreuves. Si on regarde l'incertitude, on peut dire qu'à partir du 19e siècle, toute l'histoire des sociétés industrielles, c'est d'essayer de trouver des techniques de résorption de l'incertitude. Et l'invention de l'assurance, puis de l'assurance sociale, c'est bien cela. C'est d'essayer de limiter l'incertitude. L'assurance a, c'est pour ça qu'elle était célébrée, presque comme une dimension presque socialiste par certains au XIXe siècle, c'est qu'elle permet de résorber l'incertitude. Or, aujourd'hui, on voit que toute cette machinerie de résorption de l'incertitude, eh bien, elle est de plus en plus trouée. Elle est de plus en plus trouée parce qu'il y a ces incertitudes massives de l'avenir liées au climat. Il y a ces incertitudes liées aux catastrophes naturelles. Il y a ces incertitudes aussi qui sont liées de plus en plus à des situations individuelles qui ne sont plus pas forcément prise en compte par tous les dispositifs collectifs. Alors vous parlez des discriminations, notamment du sentiment de mépris lié à une couleur de peau, à une religion, à un statut, par exemple, de résident étranger. Bon, mais puisque vous évoquez l'intégrité personnelle, là il y a la question des coups et blessures. Vous dites notamment les violences faites aux femmes. D'ailleurs, c'est difficile, elles sont bien plus prises en compte aujourd'hui, donc c'est peut-être aussi ça qui fait monter les chiffres. Le fait est que les coups et blessures ont augmenté l'année dernière. Mais qu'est-ce que vous faites vous logez dans quelle catégorie, par exemple, l'augmentation des cambriolages, l'atteinte aux biens dont pas mal de personnes se plaignent et de facto, c'est surtout l'année dernière par rapport à l'année précédente que les cambriolages avaient pas mal augmenté, plus de 10%. Là, on semble-t-il, de quelques pourcents encore, ça a augmenté. Est-ce que la sécurité physique n'est pas un enjeu aussi qu'il faut traiter au sein même des types d'épreuves que vous bien sûr, déployez ? Bien sûr, il faut le traiter, mais il est parfaitement identifié. Ce que nous essayons, je pense, de dire et de faire avec Luc, c'est de prendre en compte aussi tout un ensemble de relations sociales et de questions sociales qui sont mal identifiées. Les cambriolages, oui, effectivement, ils sont bien identifiés. Oui, les violences de rue, les violences insultes, de rue, elles sont identifiées. On sait comment elles se passent. Oui. Et on connaît un certain nombre de techniques ou de moyens pour essayer de le réduire. Mais il y a bien des réalités sociales qui, elles, ne sont pas véritablement identifiées. C'est le cas encore, notamment, de bien des discriminations qui sont niées. Personne ne nie qu'il y ait une augmentation des cambriolages dans certaines régions. Et les discriminations. Mais beaucoup de personnes nient qu'il y a des discriminations. On voit encore des personnes en disant que la révolution MeToo, maintenant, elle est derrière nous. L'égalité homme-femme, c'est un acquis qui est donné, qu'il n'y a plus à se battre pour cela. Ça n'est pas reconnu. Alors, écoutez précisément sur le problème du déni, cet extrait d'une émission de France Culture, La Grande Table des Idées, animée par Olivia Gesbert en 2021, elle recevait le chercheur Julien Talpin. Dans la mesure où il s'agit de questions qui sont quand même assez chaudes dans le débat public, c'était de contribuer à y refroidir par le terrain, en ayant une production empirique précise sur ces questions de discrimination. D'une certaine façon, notre parti pris méthodologique a été de dire on ne va pas aller rencontrer les habitants de ces quartiers pour faire des entretiens en partant de la question des discriminations, de risque de leur mettre les mots dans la bouche d'une certaine façon ou de les mettre mal à l'aise, et ce d'autant plus que souvent, en fait, les gens qu'on a rencontrés nous disent leur lassitude, en fait, d'être en permanence confrontés, renvoyés à leurs identités, à leurs origines. Et donc nous, on a mené des entretiens plutôt sur la vie quotidienne dans les quartiers populaires pour voir dans quelle mesure la question des discriminations surgissait. Et ce qui est quand même intéressant, et un des résultats de notre enquête... dans les c'est qu'elle revenait inlassablement. Absolument. En fait. On a conduit donc 250 entretiens biographiques, comme on dit en sociologie, où ils nous retracent au fond leur trajectoire. Et donc on a un cinquième des enquêtés qui, spontanément, sans qu'on pose la question, sans que l'entretien ait été négocié sur ces questions-là, qui abordent une expérience discriminatoire qu'il a pu connaître au cours de sa vie. Et la très grande majorité, 93% de nos enquêtés précisément, font part d'au moins une expérience de discrimination dans le domaine de l'emploi, du rapport au service public, à l'école. Et donc, voilà, c'est quasiment tous les habitants des quartiers populaires ont connu, à un moment ou à un autre, une expérience discriminatoire qui l'a marqué et qui a affecté son parcours de vie. Luc Boltanski, on a l'impression qu'en ce moment, vous avez des bulles d'opinion qui font valoir chacune deux grands types d'épreuves. Il y a les épreuves de discrimination, on vient d'entendre leur réalité, donc elle est très importante et ça fait vraiment partie du ressenti de beaucoup de gens. Et puis il y en a d'autres qui évoquent beaucoup les coups et blessures. Les homicides ont baissé, ça tout le monde le sait, sur le long terme, mais les coups et blessures, les incivilités du quotidien, les cambriolages, les atteintes aux biens et aux personnes. Et on a l'impression que ces deux bulles, en gros, une plus de gauche, l'autre plus de droite, ne se parlent pas. Oui, je voudrais revenir juste un instant sur discrimination et sur ce qu'a dit Pierre Rosanvallon. Je pense que c'est ce qui est très important par rapport à épreuve dans discrimination, c'est que dans l'espèce de grammaire des relations morales entre les personnes qu'on a essayé de faire, l'épreuve consiste, quand quelqu'un a une prétention ou une critique, à le mettre à l'épreuve. D'ailleurs, la traduction anglaise, c'est test. Ouais. À le mettre à l'épreuve. Avoir, quelqu'un dit, imaginez une entreprise où on a reçu un nouvel ordinateur formidable et il y a 5 personnes qui veulent chacune l'utiliser le plus longtemps possible. Eh bien, on va essayer de les hiérarchiser, de dire un tel, voilà, c'est celui qui a le meilleur diplôme. Ah oui, mais un tel, il a un moins bon diplôme, mais il a une compétence instinctive qui est beaucoup plus élevée. Un troisième, ah oui, mais c'est lui qui est le patron de l'entreprise, etc. Donc on va les mettre à l'épreuve, on leur dit, essayez, chacun va utiliser cet ordinateur pendant un quart d'heure et on va voir ce qu'il peut en faire. Dans la discrimination, vous avez une hiérarchisation des personnes qui ne tient pas du tout compte de la possibilité que leurs compétences varient dans le temps et qu'ils puissent avoir eux-mêmes un pouvoir sur leur état de grandeur, sur leurs compétences, ce qu'ils sont. Et si vous voulez, un des principes moraux centraux dans notre société, c'est que vous ne pouvez pas réduire une personne à ce qu'elle est en soi. Vous pouvez toujours, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la peine de mort dont on parle beaucoup en ce moment avec la mort de ce magnifique Badinter, que la peine de mort paraît comme une peine absolument injuste, puisqu'elle considère que celui qui a fait un crime n'a pas encore le pouvoir en lui de revenir sur ce qu'il a fait et de se montrer autre. Eh bien, si vous voulez, dans la discrimination, c'est ça qui est en jeu. C'est que vous considérez que parce qu'un tel a telle origine sociale, a telle origine ethnique, etc., il est définitivement considéré comme inférieur à quelqu'un d'une autre origine ethnique. Et donc, si vous voulez, il n'y a aucune justification de la discrimination. Vous pouvez justifier des compétences, vous ne pouvez pas justifier de la discrimination. Et pour l'incertitude, je pense que le problème de l'incertitude dans nos sociétés est essentiellement lié aux caractéristiques de cet ordre économique dans lequel nous vivons depuis le XVIe siècle. Il y a des discussions là-dessus, mais disons au moins depuis le XIXe, mais pour certains depuis le XVIe, qui est le capitalisme. Parce que le capitalisme, comme l'a très bien montré Rosan Vallon dans son histoire de la vie économique, a besoin du droit et a besoin d'un certain cadre pour s'exercer, a besoin de la loi, de la certitude, et en même temps, le profit ne se fait qu'avec l'incertitude. Le profit, c'est le déplacement. Le profit, c'est de savoir, savoir avant d'autres que tel produit a des chances de se vendre si on le déplace de tel endroit à tel autre. Et donc, si vous voulez, dans l'exergue du nouvel esprit du capitalisme, j'avais mis une phrase de Peggy très très belle, tirée de son livre qui s'appelle L'argent, dans lequel il disait en gros, dans ma jeunesse, autrefois mes parents pensait que quand on naissait dans la pauvreté, si on était raisonnable, on pouvait continuer à survivre dans la pauvreté. Maintenant, même si on est raisonnable, on meurt. On ne peut plus rien faire parce que le capitalisme a développé un état d'incertitude tel qu'on ne peut plus lui répondre. Pierre-Rosan Vallon, vous allez avoir le dernier mot. Est-ce que c'est toujours le problème du capitalisme qui revient? En même temps, c'est un peu troublant. Luc Boltanski est le premier à dire que ce capitalisme a énormément changé. Il y a un nouvel esprit, dit-il, qui s'est mis en place. Néanmoins, est-ce que toutes ces épreuves subjectives, très fortes, n'ont pas, malgré tout, une origine économique? Il y a une dimension indéniablement économique, parce que la vie économique dessine un cadre général de l'activité sociale. Mais évidemment, cette activité sociale a aussi d'autres dimensions. Par exemple, pour revenir à cette question qui est centrale des discriminations, les discriminations ne sont pas simplement liées à la question du capitalisme, même si elles trouvent des formes d'expression dans le capitalisme. Et la discrimination, je la résumerai d'un mot, discriminer une personne, c'est ne pas la reconnaître en même temps comme quelconque et ne pas la reconnaître dans sa singularité comme étant quelqu'un. C'est refuser à une personne d'être quelqu'un et d'être quelconque. D'être quelconque, parce qu'on vous assigne en quelque sorte à votre couleur de peau, à votre sexe, on vous assigne une particularité, et donc on ne veut pas que vous soyez simplement un être humain comme les autres. Mais de l'autre côté, on refuse que vous soyez quelqu'un parce qu'on ne reconnaît pas que ce que vous êtes par vos singularités a des conséquences et qu'il faut en tenir compte. Et cela, évidemment, c'est une caractéristique du fonctionnement social ou du dysfonctionnement social qui est plus large que celle du capitalisme. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi quand moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, Le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verso lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi je suis pas né la bonne étoile. Et vous écoutez, pour clore cette émission sur la notion d'épreuve en sciences sociales, d'épreuve de vie vécue par les gens, les Français, vous écoutez I Am, en 1999, une chanson intitulée « Né sous la même étoile ». Merci beaucoup Pierre-Rosan Vallon et Luc Boltanski pour vos analyses sur cette notion d'épreuve telle qu'elle est maniée aujourd'hui par historiens et sociologues. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Vorm. Cette semaine, il nous parle de l'attendu et de l'inattendu. Ce matin, il se demande pourquoi nous avons des attentes. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi avons-nous des attentes ? Ce que nous entendons en général par le mot « attente », c'est une expérience temporelle le plus souvent accompagnée d'une souffrance. Nous entendons par attente la perception et l'expérience d'une sorte d'espace vide de temps qui nous sépare de quelque chose. C'est par exemple l'attente dans un cabinet médical, c'est l'attente avant de prendre un moyen de transport, c'est l'attente dans un embouteillage, c'est l'attente de quelqu'un ou de quelque chose qui est en retard. C'est donc cet espace de temps qui nous sépare de quelque chose que nous avons envie de voir, que vers lequel nous tendons ou que nous redoutons aussi d'une certaine façon, car nous pouvons aussi nous attendre à quelque chose de désagréable ou de dangereux. Et à ce moment-là, l'attente est vraiment deux fois douloureuse. Elle est vraiment une double peine au sens le plus strict du mot, puisque nous redoutons ce que nous attendons et nous souffrons en plus du temps qui nous en sépare. Mais il y a en français un usage du mot attente qui peut-être nous conduit vers la véritable raison de l'attente au cœur de l'être humain. C'est quand nous disons que nous avons des attentes de quelque chose. J'ai une attente à l'égard de quelque chose. Ce n'est pas seulement, à ce moment-là, le temps qui nous sépare de la chose, c'est en quelque sorte le désir lui-même. Avoir une attente, c'est avoir déjà un mouvement vers quelque chose. On retrouve dans cette expression, dans l'expression d'avoir des attentes, j'ai des attentes à l'égard de la société, j'ai des attentes à votre égard, j'attends que vous me donniez, que vous me fassiez ceci ou cela. Alors, avoir des attentes, on retrouve dans le mot attente cette tension, le fait d'être tendu vers quelque chose que l'on retrouvera aussi dans le mot attention, que l'on retrouve dans le mot intention, le fait de tendre, d'être absolument tendu vers quelque chose qui n'est pas seulement l'espace donc qui nous sépare de la chose, mais déjà le mouvement qui nous relie à elle. Comme si avoir des attentes, c'était avoir un désir positif le plus souvent. Nous ne disons pas que nous avons des attentes négatives. On dit qu'on s'attend à quelque chose de négatif, mais ce n'est pas notre attente profonde. Notre attente, comme le disait aussi la philosophe Simone Veil, notre attente, c'est toujours l'attente d'un bien. On peut même définir l'être vivant, peut-être plus généralement, comme celui qui attend un bien, qui s'attend à un bien. Notre désir profond, notre attente profonde, c'est que le monde vienne combler notre attente. C'est que le monde vienne combler notre désir, qui certes peut résulter d'une souffrance, qui peut aussi d'ailleurs être un désir, même quand tout va bien, le désir que survienne quelque chose d'inattendu, quelque chose de positif, en plus de nos attentes négatives. Nous nous attendons aussi à quelque chose qui vienne nous surprendre positivement. Et bien entendu, l'inattendu pourra aussi venir de manière négative. Il faudra y revenir. Il peut y avoir des mauvaises surprises. Mais avoir des attentes, c'est avoir d'abord des désirs d'être comblé par quelqu'un ou par quelque chose. C'est d'abord d'ailleurs avoir des attentes à l'égard de quelqu'un, mais ça peut aussi être des attentes de l'inattendu merveilleux, de l'inattendu qui vient combler des attentes dont nous ne savons pas dire quoi, mais comme si nous allions être surpris positivement par le bien. À cet égard, alors, la souffrance, l'espace vide de temps qui nous fait souffrir en général peut redevenir une ouverture. Jacques Derrida avait pensé ainsi dans l'ouverture à l'égard de l'avenir, ce qu'il appelait un messianisme sans messie, c'est-à-dire une ouverture vide à l'égard d'une espérance d'un bien imprévisible, mais dont nous ne savons pas dire quoi, comme dans la structure de l'attente messianique dans certaines religions, mais sans messianisme, c'est-à-dire sans contenu, mais l'attente comme dans Godot de Beckett, en attendant Godot, c'est quand même la structure de l'espoir, la structure de la positivité du désir, la positivité d'un désir, même d'un inattendu merveilleux.